The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Good. Bien. To listen. Écoutez. Now. Maintenant. Metal. Le métal. Jazz. Le jazz. Band. Le groupe. To know. Savoir. Excellent. Excellent. Now, a bit faster. To listen. Écoutez. Good. Bien. Now. Maintenant. To listen. Écoutez. Band. Le groupe. To listen. Écoutez. Excellent. Excellent. Good. Bien. To know. Savoir. Jazz. Le jazz. Excellent. Excellent. Now. Maintenant. Metal. Le métal. Excellent. Excellent. Good. Bien. Band. Le groupe. Good. Bien. Now, use the words in context. Bien. This music is really great. Cette musique est vraiment bien. Écoutez. I listen to music all the time. J'écoute tout le temps de la musique. Maintenant. Let's go now. On y va maintenant. Le groupe. This group's music is weird. La musique de ce groupe est bizarre. Savoir. I know where to go to listen to classical music. Je sais où aller pour écouter de la musique classique. Bien. This music is really great. Cette musique est vraiment bien. Le groupe. This group's music is weird. La musique de ce groupe est bizarre.